faut aujourd'hui s'imaginer le balai des voitures hippomobiles et automobiles tout récemment construites pour pouvoir s'apercevoir de ce qu'était Paris il y a 100 ans, alors qu'étaient réunis à Paris les principaux vainqueurs de la Première Guerre mondiale pour l'ouverture de la conférence de la paix qui allait conduire au traité de Versailles. En ce centenaire de 1919 et de cette conférence de la paix de Paris, nous évoquerons demain dans notre émission d'archives les débats entre économistes des années 20 et 30, parmi lesquels bien sûr Keynes, sur les conséquences de la Première Guerre mondiale, mais également de la paix. Mercredi, nous reviendrons sur les révolutions allemandes de 1918-1919 et jeudi, le documentaire de Victor Massé de l'Épinay et d'Anne Fleury nous racontera le voyage du président des États-Unis, Monsieur Wilson, à Paris lors de la conférence de la paix. Et aujourd'hui, eh bien, en ouverture de cette semaine, nous avons le grand plaisir de recevoir l'un des plus grands spécialistes internationaux de cette période, auteur entre autres de La Grande Illusion, Georges-Henri Soutou, professeur émérite d'histoire contemporaine à la Sorbonne et membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Monsieur le Président Wilson, le prophète inspiré d'une noble entreprise d'idéologie dont il allait fâcheusement devenir le prisonnier, connaissait insuffisamment cette Europe qui gisait en morceaux devant lui. Il lui incombait de fixer le destin des peuples par des combinaisons d'empirisme et d'idéalisme dont ne pouvait s'étonner un Américain qui, par la doctrine de Monroe, déliait l'Amérique des répercussions européennes en même temps qu'il intervenait en Europe au nom de la solidarité historique des peuples civilisés. Il fit tout de son mieux, en des circonstances dont les origines lui avaient échappé et dont les développements ultérieurs se trouvaient au-delà de son champ de vision. Le traité de Versailles ne se défendra peut-être pas trop mal dans l'histoire, surtout si l'on ne s'abstient pas de faire le compte des concessions ultérieures dont les virtuosités du laisser-faire ont permis aux vaincus de tirer avantage grâce à l'appui de nos anciens alliés. Le principal mérite de cet essai d'une pacification durable est d'avoir cherché, pour la première fois dans l'histoire, les points fermes d'un établissement de justice entre des peuples qui, jusque-là, n'avaient vécu que de violence. C'est tiré de Grandeur et misère d'une victoire, écrit en 1929 par Georges Clémenceau. Extrait de Caprice pour piano opus 23, interprété par Anne Lebozec, de Ernest Farrar, un compositeur anglais mort en 1918 après deux jours passés sur le front. Bonjour à vous, Georges-Henri Soutou. Bonjour Emmanuel Laurentin. Merci d'être avec nous pour ouvrir cette semaine, pédagogiquement pourrait-on dire, une semaine consacrée à cette année 1919, l'année de la paix, avec ce texte que je viens de lire, dont je viens de lire un extrait de Georges Clémenceau, un texte un peu amer qui est un texte de juste avant sa mort, puisqu'il va mourir quelques mois plus tard après avoir écrit ce texte-là sur le traité de Versailles, qui est une sorte de règlement de compte avec le maréchal Foch, écrit en 1929, une querelle entre deux vainqueurs, pourrait-on dire, où chacun donne sa version des faits, et la version de Georges Clémenceau était celle-ci. Tout compte fait, il disait, le traité de Versailles n'était peut-être pas aussi mauvais que cela. On verra les vertus de ce traité de Versailles dans les années à venir. Évidemment, aujourd'hui, il est très critiqué, ce traité de Versailles, mais il faut raison garder, Georges-Henri Soutou, et comprendre ce qu'il a été, comment il a été conçu et pourquoi il avait bien des vertus. Quelques défauts aussi, mais bien des vertus. Alors, le texte que vous avez cité de Georges Clémenceau est très intéressant. Il a du souffle, il est beau. Il révèle une chose en profondeur, fondamentale pour comprendre 1919, c'est quand même une convergence, je vais peut-être pas une proximité, mais une convergence en tout cas, morale et politique, voire idéologique, entre Clemenceau, Wilson et l'anglais Lloyd George. C'est fondamental. Et pour Clemenceau, c'était l'essentiel pour garantir la paix par la suite. En même temps, vous savez bien que si vous lisiez cette citation à la radio Culture Budapest, vous ne sortiriez pas vivant du studio, n'est-ce pas? Car le traité est extrêmement controversé et aujourd'hui on constate que le jugement porté par la quasi-totalité des personnes et même souvent des historiens est à peu près totalement, en tout cas très largement négatif. Oui, on lui attribue généralement à ce traité de Versailles, à ces discussions qui ont duré de longs mois à Paris, on leur attribue eh bien, effectivement les raisons de la Seconde Guerre mondiale et on dit d'une certaine façon que ce qui est sorti de ce traité, c'est d'abord une situation d'instabilité dans toute l'Europe qui conduira au fascisme, au nazisme et ensuite à la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est exactement l'interprétation qui domine actuellement. Elle est à mon avis excessive, même si tout n'est pas faux, bien entendu. Alors je pense qu'il faut revenir sur un ou deux points. Alors, d'abord, la négociation de 1919, commençant le 18 janvier, ne s'est pas passée comme ça avait été prévu au départ. On pensait que les alliés fixeraient entre eux très rapidement les grandes lignes des traités de paix, que l'on conclurait ce qu'on appelait dans la langue de l'époque les préliminaires de paix, et qu'ensuite tout le reste, des très importants détails, toutes les clauses complexes de traités de ce genre, seraient vraiment négociées avec les représentants des puissances vaincues, qui seraient donc amenés à participer à la négociation très tôt. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça, parce que les alliés n'ont pas pu se mettre d'accord entre eux avant fin avril, 1919. Il était donc trop tard et les Allemands ont reçu le texte complet, définitif. Ils ont pu faire des remarques par écrit, mais ils n'ont effectivement pas pu négocier. De là vient l'idée qu'il y a un diktat du traité de Versailles, vu du point de vue allemand. Mais ce qui d'ailleurs entre nous n'est pas faux et qui est sans doute le premier grand facteur qui a vidé le traité de toute légitimité aux yeux des Allemands. Il y en a d'autres, mais celui-là est le premier chronologiquement. Deuxième remarque, on a, comme les négociations entre alliés ont duré très longtemps, on a eu recours à 52 commissions pour préparer les différentes clauses d'un traité qui fait 440 articles, qui est extrêmement complexe. Chaque commission a voulu réaliser un petit chef-d'œuvre. Bien entendu, pas en faveur des Allemands, hein, bien entendu. Mais sans se concerter avec les autres commissions. Et sans être coordonné ni concerté. Ce qui fait que le total du traité a été probablement encore plus sévère pour les Allemands, somme toute, que ne le pensaient au départ les alliés. Deuxième facteur un peu accidentel, mais qui a contribué certainement à la dureté du traité. Alors, à côté de ça, il y a quand même un certain nombre de remarques qu'il faut faire. La plus importante, peut-être, c'est que pour la première fois dans l'histoire diplomatique européenne, on a un traité évolutif. Mmh. Un traité avec des clauses qui vont évoluer dans le temps. Un traité dynamique. Un traité dynamique. L'occupation, prendre un exemple, l'occupation de la Rhénanie peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, encore plus longtemps, moins longtemps, c'est assez largement ouvert en fonction de la façon dont l'Allemagne exécutera le traité. De même pour les réparations. La révision des réparations est incluse dans le traité lui-même qui en reconnaît le principe, sans en fixer d'ailleurs le montant. On se donne du temps pour essayer de trouver un montant qui pourra être révisé à tout moment. Donc l'avantage de cette formule, c'est que le traité pourra s'adapter, et il l'a fait. Par la suite, les accords de Locarno de 1925, qui étaient une réelle tentative de reconstruction politique de l'Europe, en tout cas occidentale et centrale, sont dans le cadre du traité de Versailles, mais le font interpréter de façon beaucoup plus, je dirais, équilibrée pour les Allemands. C'est quelque chose qu'il faut tout à fait avoir en tête. Alors, deuxième remarque très importante, et qui correspond assez à la citation de Clemenceau que vous avez faite, jusque-là, le traité, c'était le vainqueur qui imposait son droit. Bon. Maintenant, c'est différent. On a, dans tout les articles du traité, dans beaucoup d'articles du traité, des conceptions juridiques de droit international. D'abord, toutes les clauses concernant les crimes de guerre. Il faut savoir que bien avant le procès de Nuremberg, le traité de Versailles de 1945-46, le traité de Versailles prévoit que seront jugés pour crimes de guerre l'empereur allemand Guillaume II et plus de 800 hauts responsables. Alors, seule clause est inscrite, elle n'a pas été exécutée parce que Guillaume II s'était réfugié aux Pays-Bas à la fin et de la Pays-Bas guerre. Ont et ils ont refusé de le livrer. Donc, les autres ont été jugés de façon assez, je dirais, bénigne par un tribunal allemand pour sortir de cette situation. Leipzig. À Leipzig, exactement. D'autre part, là aussi, on a voulu, dans le domaine des réparations, ne pas fonder le droit aux réparations ou le droit à réparation des alliés sur le fait qu'ils avaient gagné, ce qui jusque-là était le cas. Le vaincu payait une indemnité de guerre, tant pis pour lui, c'était comme ça. Là, c'est justifié par l'article 231, selon lequel l'Allemagne est responsable pour les avoir causés de tous les dégâts, etc., etc., subis par les alliés. Ce qui, à la fois, est une volonté de fonder en droit le principe des réparations, mais qui en même temps comporte un aspect négatif, c'est que l'on évoque la notion de responsabilité de l'Allemagne, interprétée comme culpabilité de l'Allemagne. C'est pas ce que les juristes présents à Versailles avaient en tête, mais c'est comme ça que ça a été interprété, avec des effets, là aussi, comme le diktat, tout à fait désastreux. Troisième point, qui lui figure quand même dans l'évolution du droit international, les nouveaux États, nouveaux ou reconstitués ou agrandis après la guerre de 14, en Europe centrale, orientale, Pologne, Tchécoslovaquie, Roumanie, Yougoslavie, ont dû signer ce qu'on appelait des traités de minorité, par lesquels ils s'engageaient à respecter les droits civiques des membres de leur minorité ethnique, religieuse, etc. Inscrits dans l'instrument international et supervisés par la Société des Nations. Ce qui est une nouveauté, il y avait déjà eu dans les traités précédents des allusions à ces questions, mais pour la première fois, ça entre vraiment dans le cadre du droit international positif. Ça n'a pas été totalement sans effet, vers à moitié vide, vers à moitié plein, mais c'est une étape dans l'évolution du droit international en direction de la reconnaissance des droits de l'homme comme un facteur essentiel. Vous avez récemment présenté chez Perrin l'ouvrage de André Tardieu, qui était un des collaborateurs de Clémenceau, en l'occurrence dans ses conférences de la paix, qui s'intitule La paix, dans laquelle il dit ceci, il dit « La paix, en d'autres termes, est née des origines mêmes et du caractère de la guerre. Elle a été voulue par les peuples avant d'être définie par les gouvernements. » Et il explique, dans la suite de cette explication, André Tardieu explique combien, effectivement, les gouvernements ont été plus ou moins contraints par des opinions publiques qui, d'une certaine façon, les ont conduits là où les opinions publiques avaient été choquées, en particulier par le déroulement des combats, par la férocité de ces combats, par la violence de guerre, et les a conduits justement à un nouvel idéal de paix qui ne serait pas une paix victorieuse où on impose sa volonté aux adversaires pour les mettre un genou à terre, ce qu'on a comme idée quand on parle aujourd'hui du traité de Versailles, mais au contraire, une paix respectueuse de ceux qui ont été vaincus, dit André Tardieu. C'est une sorte de plaidoyer pro-domo ou ça a une réalité, Georges-Henri Souttou ? Alors, bon, bien entendu, c'est aussi un plaidoyer pro-domo, évidemment, mais en même temps, il y a une certaine réalité. Bon, il est très difficile de mesurer l'opinion publique, surtout en temps de guerre. On a deux points d'ancrage pour cette question, dans le cadre que vous fixez. D'abord, il y a eu des élections au Royaume-Uni en décembre 1918 et en France en septembre 1919. Les deux élections ont mis au pouvoir, ont vu le triomphe très net de majorités décidées à, entre guillemets, traiter l'Allemagne durement et en tout cas exécuter les traités de façon rigoureuse. Ça, c'est un point. Bon. Mais on a en même temps, en France en tout cas, étudié, grâce à la censure militaire, les lettres des combattants. Les lettres des combattants de tout venant, évidemment, pas des professeurs d'université, donc c'est exprimé en termes souvent simples, mais ils sont de plus en plus sensibles au fait que la guerre se prolonge, à la nécessité de construire une paix durable qui ne repose pas sur des annexions ou des méthodes, disons, traditionnelles, mais davantage sur des méthodes juridiques. Pour que la guerre ne revienne pas. Ça, ça devient une obsession. Et donc, les gouvernements, selon André Tardieu, auraient senti cette idée-là et auraient conduit donc les négociations de paix dans le sens aussi que souhaitait Wilson, de reconnaissance des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, des 14 points qu'il avait déterminés quelques années plus tôt. Alors, tout à fait. Alors, première remarque, les Alliés n'ont pas découvert chemin faisant ces principes en 1919. Wilson les avait déjà exposés avant même la guerre, comme président des États-Unis. Professeur de droit international à Princeton. Il faisait partie de tout un groupe de juristes internationaux qui avaient leurs, je dirais, collègues dans tous les pays, qui ont maintenu des contacts pendant toute la guerre. Les 14 points de Wilson sont nourris de réflexions faites aux États-Unis, mais également en Grande-Bretagne, dans des milieux, y compris en Europe centrale, dans différents milieux, qui communiquent par des intermédiaires et qui touchent même le Saint-Siège. La note pontificale, dite note de paix de Benoît XV, le 1er août 1917, n'est pas dans la philosophie, évidemment, de Wilson, mais sur toute une série de points précis, elle correspond très bien aux 14 points. Et c'est pas par hasard, parce que des contacts, des intermédiaires, ont établi des ponts. Vous voulez dire que, donc, avant Versailles, avant la défaite des puissances autour de l'Allemagne, eh bien, il y avait déjà une conception qui était à l'œuvre et qui était pas simplement américaine, états-unienne, mais qui était une conception qui commençait à être partagée par d'autres puissances, et en particulier les puissances occidentales. On peut vraiment parler d'un milieu de juristes et d'hommes politiques internationaux, atlantiques, euro-américains, vous choisirez le terme que vous voudrez, et qui commencent à développer tout cela, de façon primo à sortir d'une guerre dont tout le monde comprend l'horreur, malgré tout, bon, et d'autre part éviter qu'elle ne se reproduise à l'avenir. Lass mich, da ich glaube, eine Fille an deine Schönheit, deine Augen sang, Kraft dieser Ringe ich mich selber fand. Und eins verlor in die Vollendung. Nun will ich beten, da du nicht mehr bist und will zum Menschheit schreien, es gibt nicht Gnade. Gebet, Tod ist es und Einsamkeit ist un extrait d'une œuvre d'Erwin Schulhoff, compositeur tchèque, qui donc compose cette œuvre en 1919, une œuvre pour baryton et piano, interprétée ici par Marc Moyon et par Anne Le Bozec. Nous sommes en compagnie de Georges-Henri Soutou pour évoquer, en ouverture d'une semaine consacrée à l'année de la paix 1919, pour évoquer justement ces traités qui vont se négocier à Paris à partir du mois de janvier 1919. Alors vous disiez au tout début de cette émission, Georges-Henri Soutou, combien, si nous avions été dans un studio du côté de Budapest, les propos que nous tenons aujourd'hui seraient évidemment mal perçus, parce que il y a effectivement une remontée des oppositions à tous ces traités, que ce soit chez Monsieur Erdogan en Turquie, que ce soit en Hongrie, donc chez Monsieur Orban, ou dans bien d'autres pays d'Europe centrale et orientale. Il y a l'idée qu'il y a là la matrice dans ces traités, dans cette négociation de Versailles, il y a la matrice de ce qui s'est passé ensuite et de la tombée, pourrait-on dire, des pays d'Europe centrale et orientale, disséminés, cassés en morceaux, opposés les uns aux autres par justement la politique des nationalités voulue à Paris. Qu'est-ce qu'il faut en dire de cela, Georges-Henri Soutou? D'abord, les responsables alliés sont eux-mêmes conscients, et leurs experts, peut-être surtout, sont conscients des problèmes que pose la reconstruction de l'Europe sur le principe des nationalités. Alors, premier point qu'il ne faut pas oublier, l'Europe était fondée avant 14 sur trois empires, je dirais multiethniques, multinationaux, la Russie, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman, qui faisait partie du système diplomatique européen. Ces trois empires se sont écroulés bien avant, dans le cas de la Russie, et juste avant, dans le cas de l'Autriche-Hongrie et de l'Empire ottoman, ils se sont écroulés avant même la fin de la guerre, avant même les armistices. Ils se sont écroulés de l'intérieur, parce qu'ils n'ont pas supporté le poids, le choc de la Première Guerre, et la montée de revendications, je dirais, nationales, qui était encore contrôlable, même si la situation, par exemple, de l'Autriche-Hongrie était très difficile. Le Parlement austro-hongrois ne se réunit plus depuis des années, n'est-ce pas ? Et, ni en Hongrie, enfin en Hongrie si, mais pas en Autriche, ni les délégations communes, ça ne marche plus, le système est bloqué, à cause des revendications nationales. Mais on pouvait imaginer d'autres issues que l'éclatement de toutes ces régions. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce que c'est qu'une nationalité ? Le secrétaire d'État de Wilson, Robert Lansing, qui est à présent à Versailles... Il dit c'est difficile à définir, non, une mais nationalité. Qu'est-ce que c'est qu'une nationalité ? Est-ce que c'est la langue ? Est-ce que c'est... vous avez des cas en Europe centrale où des personnes qui sont d'origine polonaise, par exemple, ont en fait comme langue l'allemand, ça existe, voire l'inverse. Bon, est-ce que c'est simplement la volonté et le choix ? Bon, dans ce cas, il faut faire des plébiscites, ce qu'on fait dans certains cas, on organise des plébiscites. Et c'est d'ailleurs là-dessus que Robert Lansing, entre autres, va être tiraillé par Wilson lui-même, c'est-à-dire qu'il va y avoir des conflits internes à la délégation américaine. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Ils ne sont pas d'accord entre eux, et en fait, comme les alliés ne sont pas d'accord entre eux, ni à l'intérieur de chacun des pays alliés, les administrations ne sont pas d'accord entre elles, on va arriver à des cotes mal taillées. Disons que dans chaque cas, on a les commissions qui ont étudié tous ces problèmes. Il y en avait en Angleterre, aux États-Unis, en France. On a des comptes rendus, c'est très intéressant. Et les Français, d'ailleurs, ne sont pas les derniers à s'intéresser à cette région-là, parce que ils veulent bien contrôler une nouvelle puissance allemande qui pourrait monter. Et ils voudraient avoir en Tchécoslovaquie, en Roumanie, en Pologne, en Yougoslavie qui vient de se créer, des alliés fiables et sûrs. Et donc, on a des missions militaires qui sont envoyées sur place, qui sont de bons connaisseurs pour la plupart du temps de ce qui se passe en Europe centrale et orientale, et qui vont renvoyer au Quai d'Orsay et au gouvernement français des rapports qui permettront d'établir justement ces paix-là. Ça se passe de la façon suivante, on a les protocoles des réunions de la commission d'études qui suit ces questions à Paris de 1917 à 1919. Pays par pays, frontière par frontière, les historiens, les géographes, les ethnologues, les économistes, les politologues discutent. Ils disent, oui, il y a telle ou telle frontière possible. Bon, il y a un représentant d'état-major qui dit, non, ça c'est très bien, mais sur le plan stratégique, pour rendre ces pays viables face à la menace allemande, il faut que la frontière passe là. Et la discussion s'arrête. Je tiens à faire remarquer que dans 90% des cas, le comité d'études français a averti de tous les problèmes qui allaient se poser et qui continuent à se poser encore aujourd'hui. Oui. Vous avez une prévision de tous les problèmes actuels de l'Europe. Oui, et d'ailleurs, les Britanniques ont leur Peace Books, qui est un peu l'équivalent du comité d'études. Les États-Unis ont les Inquiries, qui sont la même chose. Donc, chacune des trois puissances qui se met autour de la table pour pouvoir négocier ces traités à Paris, eh bien, a une sorte de vision qui est une vision d'expert. Et c'est peut-être aussi une des questions sur laquelle il faut revenir avec vous, Jean-Henri Soutou. Qui sont ces experts ? Pourquoi prennent-ils tant de place alors que, par exemple, un siècle plus tôt, au Congrès de Vienne, c'était les chefs d'État qui décidaient entre eux de ce qui allait se passer ? Là, on a des chefs d'État, certes, ou des chefs de gouvernement, mais qui sont encadrés par des très grandes délégations d'experts et qui sont, vous l'avez dit, géographes, historiens, sociologues naissants, etc., etc., anthropologues, pour pouvoir aider les gouvernements dans leurs décisions. Alors, il y a deux raisons, à mon avis. Il y a une raison lié l'échec de programme initial de la préparation des traités. Comme les hommes politiques, dirigeants, ne se sont pas mis d'accord rapidement, les experts ont eu le champ libre, ne serait-ce que dans la chronologie. Mais il y a une raison, à mon avis, plus fondamentale. Nous sommes au début du XXe siècle, l'issue, en fait, d'un XIXe siècle très positiviste, et on pense que l'on a des formules précises, scientifiques. Les sciences et les sciences sociales peuvent être voilà. À la rescousse, peuvent être appelées à la rescousse. Toutes les délégations arrivent avec des cartes ethnographiques. Elles ont été utilisées par une de mes jeunes collègues pour sa thèse. C'est fascinant parce qu'elles ont toutes des cartes parfaitement scientifiques, avec des dégradés de couleurs, des pourcentages, des hachures. On en a vu certaines dans la grande exposition qui s'est terminée il y a quelques temps, ouais. Au musée des Invalides. Exactement. Qui était assez formidable. Voilà, exactement. Et la seule chose, c'est que toutes ces cartes sont différentes. Parce qu'il est très difficile de définir des pourcentages ethniques en Europe centrale. Les gens sont mélangés. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez une ville allemande et une campagne polonaise autour? Par exemple, on pourrait multiplier les exemples de ce genre. Alors, la volonté d'arriver à une paix scientifique faisait oublier, ça a été, ça je pense, problème essentiel dans la deuxième partie de la conférence, les nécessités politiques fondamentales. Dans certains cas, on a pu, et là c'est un des apports quand même du traité, mettre en place les plébiscites contrôlés internationalement par la SDN. Mmh. Ça, c'est nouveau. Ça a été fort utile. Ça n'a pas éliminé tous les problèmes, mais ça a été probablement l'un des résultats du traité le moins contesté quand même dans le temps. Alors, tout de même, il y a l'installation et l'instauration de ce nouvel organisme qui s'appelle la Société des Nations, qui est une des grandes inventions de ce moment-là, on pense, pouvoir assurer une paix durable avec une société qui va donc gérer les conflits potentiels entre les puissances. Évidemment, ça sera compliqué puisque les États-Unis eux-mêmes ne vont pas accepter cette signature, cette création, mais vont participer tout de même par tout un tas d'autres moyens à ce qui sera créé par la SDN, par des experts là aussi qui viendront de temps en temps donner leur avis. Et c'est vrai que cette SDN est souvent considérée, quand on lit les livres de classe, quand on lit les manuels, souvent considérée comme une des fauteuses de troubles de ce qui se passera parce que elle n'est pas assez puissante, elle n'a pas assez de pouvoir, etc. Mais tout de même, il y a une volonté derrière cela qui est intéressante, Jean-Jean Rissouk. Alors, la SDN a joué un rôle plus important qu'on ne le croit. D'abord comme forum de discussion pour des pays qui n'avaient pas participé au concert européen des grandes puissances avant 1914, qui là avaient une tribune. Avant, on ne parlait que Grande-Bretagne, France, Russie, Allemagne, Autriche, Italie, dans une certaine mesure, pas les autres. Maintenant, tout le monde peut s'exprimer à Genève. Et d'autre part, les pays d'Amérique latine peuvent s'exprimer. Il y a quand même un pays africain indépendant qui est l'Éthiopie, qui en fait partie. Il y aura quand même un rôle insuffisant, mais non nul, de la SDN dans la guerre italo-éthiopienne de 1935. On préfère des remarques du même genre pour un certain pays asiatique. Donc, un changement d'échelle, l'organisation diplomatique internationale qui était européenne devient mondiale. À une guerre mondiale succède une tentative de paix mondiale. Ça, c'est très intéressant. D'autre part, il y a les organismes spécialisés de la SDN, à commencer par le Bureau international du travail. Je pensais à lui quand je disais les Américains vont y participer tout en étant à l'écart. Voilà. Il y a eu d'autre part des décisions plus juridiques, voire techniques, sur la traite ce qu'on appelait la traite des blanches à l'époque, traite des femmes, enfin, prostitution internationale. Bon, les trafics de drogue, etc. On balbutie peut-être, on bégaye, mais enfin, on commence à mettre sur pied un droit international positif dans ces questions qui, jusque-là, n'en relevaient pas. La grande faiblesse de la SDN, c'est qu'elle manque d'efficacité en cas de crise majeure. Elle a pu régler les crises mineures, mais les crises majeures, c'est pas possible, parce qu'il faut une unanimité pour désigner l'agresseur, qui n'est pas raisonnable. Bon. Alors, voilà pour les caractères positif. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, Georges-Henri Soutou? En particulier, on met beaucoup sur le dos de Clémenceau, qui se défendra dans cet ouvrage, donc « Grandeur et misère d'une victoire », juste avant de mourir en 1929-1930. Il va donc tenter de faire un plaidoyer pour sa cause. André Tardieu fera de même dans « La paix », que vous venez tout juste de préfacer chez Perrin. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur le compte d'une attitude française, par exemple, de crainte d'un renouveau de l'Allemagne et de nécessité de parer ce renouveau de l'Allemagne par un contrôle des territoires d'Europe centrale, mais aussi par une sécurité accrue en alliance avec les Britanniques et avec les États-Unis. Bon, alors il est évident que la première erreur a été de ne pas... C'était prévu à terme, l'entrée de l'Allemagne dans la SDN, c'est prévu, mais il aurait fallu la réintégrer beaucoup plus tôt dans le circuit international diplomatique. Mais à mon avis, la principale erreur française, une fois le traité signé, qui a été négocié avec les Alliés, ni les Anglais ni les Américains n'avaient non plus envie de voir une Allemagne revancharde prendre la première occasion pour remettre ça, comme on dit familièrement. Même si les Français ont longtemps accusé les Britanniques d'avoir fait le jeu de l'Allemagne non, contre la France. C'est excessif. Ça ne correspond pas aux réalités. Les Français simplement demandaient trop. Les Anglais n'avaient ni envie, ni les moyens, en fait, de l'accepter. Les Français étaient déraisonnables. Néanmoins, le traité... Tandis qu'il est évolué, qu'il est évolutif, n'était pas définitivement monstrueux de ce point de vue-là. La principale erreur française a été l'occupation de la Roure en janvier 1923. Parce que ça a cassé la dynamique évolutive du traité, ça l'a retardé considérablement. Ça a d'autre part définitivement ôté à la République de Weimar toute chance d'une évolution réellement démocratique, qu'on commençait à entrevoir depuis l'été 1922, pour des raisons politiques intérieures sur lesquelles je passe. C'est arrivé au très mauvais moment, et ça a persuadé l'ensemble des Allemands, tous les Allemands, tous partis confondus, que les Français ne respectaient même pas le traité qu'ils avaient imposé. Voilà. C'est pour ça qu'à mon avis, c'est là que les choses ont vraiment pris tournure très désastreuse. Pourquoi avez-vous sous-titré votre maître livre La Grande Illusion quand la France perdait la paix, 1914-1920, Georges-Henri Soutou, qu'est-ce qu'on a perdu dans cette paix de 1919-1920 justement? Mais on a perdu la possibilité de faire ce qu'avaient fait les Alliés en 1814-1815 à Vienne. Les Français n'étaient évidemment pas heureux du congrès de Vienne. Ils ont passé tout le 19e siècle à protester contre les décisions du congrès de Vienne. Mais malgré tout, la France a été très très vite réintégrée dans le concert des nations. Dans le concert des nations, concert européen comme on disait, aussi, avec des droits égaux. Et d'autre part, on n'a pas prétendu faire peser sur elle une faute morale, je dirais presque ontologique, voire culturel, comme on dirait aujourd'hui. Ça, c'est ce qui vous marque le plus, Georges-Henri Soutou, quand on vous lit, c'est cette question de moralisation, de rhétorique moralisante qui va peser sur l'Allemagne et sur les vaincus en général, sur lequel on va faire peser une faute. Ils ont fait une faute, ils sont fautifs moralement, et donc il faut les punir moralement. Oui, c'est la grande nouveauté des traités, pas seulement du traité de Versailles, aussi des autres. La recherche de responsabilité de type juridique, alors qu'on est dans une situation politique de paix ou de guerre qui ne relève pas, à mon avis, de catégories juridiques classiques, n'est-ce pas? La confusion des genres a été, en tout cas, ça on l'observe, ce qui a été le moins bien accepté par les Allemands. Il y a eu probablement les conséquences psychologiques. Quand on lit, par exemple, la naissance du mouvement national-socialiste en Allemagne, qui n'est pas le seul mouvement nationaliste, mais celui qui fera évidemment parler le plus de lui, on voit bien que son audience est au départ extrêmement limitée, quelques centaines de personnes, mais elle gagne progressivement à cause d'un ensemble de considérations liées à cela. L'Allemagne est responsable de la guerre, l'Allemagne n'a pas bien traité ses colonies en Afrique, d'ailleurs, c'est peut-être pas faux entre nous comme affirmation, enfin qui a été très très mal ressenti, étant donné la façon dont ça a été évoqué dans le traité. Les coupables doivent être jugés, etc. etc. Ce sont des tâches sur l'honneur allemand, à une époque où ces notions d'honneur national sont dominantes. Oui, on voit d'ailleurs dans le dernier livre de Thomas Gettgens qui a été publié dans la Bibliothèque illustrée des histoires chez Gallimard sur la cathédrale incendiée, combien effectivement on passe de l'idée d'un pays, l'Allemagne, qui est porteur de valeurs universelles avant la Première Guerre mondiale, à partir du moment où cette cathédrale de Reims a été incendiée en septembre 1914, à un pays qui est voué aux gémonies Saint-Denis parce qu'il est l'héritage des barbares. Et d'ailleurs, quand on lit le Clémenceau que j'ai lu tout à l'heure, dont j'ai lu un extrait tout à l'heure, il dit ça. Il dit ce peuple n'est pas encore sorti de la barbarie d'une certaine façon. Donc il y a véritablement une barbarisation, pourrait-on dire, de l'Allemagne et des puissances vaincues qui va peser moralement sur la vision que peuvent en avoir tous les pays internationaux. Et puis également sur le pays lui-même. Il faut savoir qu'il a fallu attendre 1928 pour que les Allemands soient de nouveau acceptés dans les organisations scientifiques internationales ou médicales internationales. Ce que raconte bien d'ailleurs Thomas Gentgen, c'est combien pacifistes, des amitiés qui se sont forgées depuis la défaite de 1870 entre la France et l'Allemagne se rompent au moment de la Première Guerre mondiale et ne se reconstituent pas ensuite. Voilà, alors bien entendu, il ne faut pas non plus, si vous lisez par exemple les considérations d'un homme non politique de Thomas Mann, qui sont régulièrement rééditées, je viens de relire, ce sont des articles à écrire pendant la guerre de 14, ce n'est évidemment pas le Thomas Mann que nous avons aujourd'hui en tête après le national-socialisme, il est extrêmement, je dirais, nationaliste dans sa Max Weber, façon de voir les choses. On pourrait multiplier des remarques de ce genre, mais enfin... une fois de plus, c'est la guerre. La grande force des élites françaises pendant la guerre de 14 a été d'arriver à maintenir, même si c'était hypocrite bien entendu, mais arriver à maintenir un discours universaliste. Dès la déclaration lue devant les chambres du président Poincaré en 1914, quand on compare au texte diffusé par l'empereur allemand à la même époque, au même moment, très exactement, la différence est fantastique. Poincaré met la France en tête des nations libres, n'est-ce pas ? Il en appelle à l'univers. Guillaume II dit « Nous luttons contre un monde d'ennemis ». On voit la différence totale de philosophie, n'est-ce pas ? Et l'erreur fondamentale de l'Allemagne impériale. Et donc, effectivement, tout cela va peser sur l'après-guerre, en l'occurrence, Georges-Henri Soutou. Ce qui est tout à fait évident, c'est que il y aura ensuite des explications qui reviendront régulièrement de la part des acteurs de ces années-là. On a cité Clémenceau, on a cité Tardieu, qui devront se justifier devant une sorte de tribunal de l'histoire. C'est ça qui est assez étrange. C'est comment, en fait, au bout du compte, ce moment de Versailles, ce moment du traité de Paris, va devenir une sorte de point nodal de fixation des inimitiés internationales et va nécessiter pour ceux qui ont été les acteurs et qui voulaient la paix de se justifier en permanence. Mais personne n'est content en fait. C'est très frappant quand on lit les débats de ratification du traité dans les chambres françaises en 1919. Personne n'est content parce que le traité n'est pas assez dur pour les uns. Il est trop pour les autres, par exemple les socialistes qui sont entrés en contact officiellement avec les autres socialistes européens, y compris allemands, dès le printemps 1919 à Berne, n'est-ce pas ? Il y a des contacts qui s'établissent. Eux, ils trouvent que le traité est beaucoup trop impérialiste, entre guillemets. À l'inverse, vous avez des gens qui trouvent le traité pas assez dur. Et il y a une sorte de déception par rapport à l'immensité des pertes, des souffrances. Les gens trouvent que le traité, finalement, il n'assure pas la sécurité. Qu'ils prennent ça par la gauche ou par la droite, si vous permettez ce raccourci, il y a cette déception. En France même, d'autre part, très vite, à partir du livre de Keynes, les conséquences dont on en parlera demain, commence toute une polémique avec des échanges. Ça, le livre de Tardieu répond aussi à ces polémiques. D'autre part, dès 1920, le traité de Versailles, il faut commencer à l'exécuter. Or, les difficultés commencent immédiatement, je ne vais pas en faire le récit, c'est trop long, mais ça ne marche pas, concrètement, ça ne marche on pas. On va d'ailleurs devoir refaire pour la Grèce l'ancien Empire ottoman, un nouveau traité. Là, ça ne marche pas du tout, le traité de Sèvres ne marche pas du tout. C'est d'ailleurs le premier traité qui va être révisé de fond en comble, avec le traité de Lausanne en 1923, qui fait à la Turquie un sort bien préférable à celui qui avait été prévu après le traité de Sèvres en 1920, qui a pourtant suscité des oppositions en Turquie. Il n'a pas été voté par la majorité du Parlement turc, il a été fort discuté, ce qui est intéressant d'ailleurs à garder en tête aujourd'hui, n'est-ce pas? Bon. Donc, finalement, personne n'est vraiment satisfait, même chez les vainqueurs. Quant aux États-Unis, et ça c'est le point fondamental, vous y avez fait allusion tout à l'heure, il est évident que si Wilson avait pu faire ratifier le traité par le Sénat, les choses auraient été différentes. La délégation américaine sait parfaitement, on a tous ces verbatims, n'est-ce pas, que le traité en l'état est inexécutable, compris sur le plan économique et financier. Bon. Et Wilson est parfaitement décidé à utiliser le fait que les Alliés auront besoin des crédits américains pour se reconstruire, parfaitement conscient de la puissance américaine, pour pouvoir dire, dès que les opinions publiques se seront un peu calmées, dire aux Français et aux Britanniques, bon, il faut revoir ce qu'on a dit en matière de réparation, le traité nous permet de tenir davantage compte des possibilités de paiement de l'Allemagne, il faut réintégrer l'Allemagne dans l'égalité des droits économiques et commerciaux, etc. etc. Ça a échoué. C'est à partir de là, d'ailleurs, que Tardieu, probablement ça qui conduit Tardieu aussi à écrire son livre, la nécessité de défendre le traité malgré la chute d'un point essentiel. La paix, donc, c'est ce livre dont vous venez de refaire une préface, donc Georges Henri Soutou, chez Perrin. Est-ce que vous n'êtes pas surpris de voir qu'un siècle après ces traités, ces questions d'Alsace-Lorraine reviennent à propos d'un traité qui sera signé demain entre la France et l'Allemagne, le traité d'Aix-la-Chapelle. On n'entend pas encore chez les hommes et les femmes politiques français et françaises vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, mais il y a quelque chose de cette ère-là qui est commencé à surgir dans l'opinion publique et politique la semaine dernière. Ce traité donc d'amitié qui doit renouveler le traité de 1963 entre la France et l'Allemagne, qui sera signé demain, est considéré comme une sorte de traité de traîtrise qui va rendre l'Alsace-Lorraine aux Allemands. Non, mais ça jette un jour très cru sur l'état de décomposition avancée, intellectuelle et morale ceux qui tiennent les moyens de communication, disons, bon, les responsables. Bon, d'abord, le traité, le texte, vous pouvez le trouver sur le site du Quai d'Orsay, il n'est pas secret, hein, il n'est pas encore signé, le texte est publié. Tout à fait entre nous, c'est un réchauffé du traité de l'Élysée de 1963, avec beaucoup de délayage, il n'apporte rien de réellement nouveau. Il ne correspond en aucun cas, en tout cas, aux phobies qui circulent, dont j'ai pris connaissance avec une certaine surprise. Parce que vous êtes tout de même spécialiste de ces questions-là. Oui, mais j'écris un livre là-dessus. Bon, donc j'étais un peu surpris. Ça indique ce très mauvais esprit, c'est effrayant d'ailleurs, que l'on trouve dans d'autres domaines concernant tous ces traités. On ne peut pas avoir actuellement un colloque sérieux dans certains cas, si, mais dans d'autres, non, sur ces questions. On a trop de difficultés psychologiques actuellement, n'est-ce pas? Vous voulez dire, on ne peut pas avoir un colloque sérieux? C'est-à-dire que même entre universitaires, aujourd'hui, on a du mal à discuter? Et si vous avez des universitaires des différents pays concernés dans l'ensemble, eh bien, vous pouvez avoir des points de vue qui ne sont plus scientifiques, je le dis très clairement, et de façon beaucoup plus grave qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, vous pouviez parler du traité de Trianon à Budapest de façon sérieuse, parce qu'il y a des choses à dire sur Trianon, même si c'est un mauvais traité, je suis le premier à le dire. Bon, malgré tout, les choses ne sont pas aussi simples que la vulgate hongroise habituelle. Maintenant, c'est plus possible. Enfin, actuellement, c'est plus possible. Ça redeviendra possible, mais actuellement, ça ne l'est pas. Mais vous devez être surpris, en tant que spécialiste des relations internationales, de voir que, comme vos collègues qui étaient spécialistes de la Première Guerre mondiale ont été surpris du renouveau, guerrier d'un côté ou de l'autre, des enjeux mémoriels qu'ils n'avaient pas perçus en tant qu'historien, pensant que c'était une histoire qui s'était refroidie, de voir qu'elle s'est réchauffée, en l'occurrence, Georges-Henri. Je dois dire que j'étais moi-même très surpris. Je pensais que la charge mémorielle concernait la Deuxième Guerre mondiale et ses suites, ses conséquences, pour des raisons évidentes, je pensais que la Première Guerre mondiale était vraiment un objet d'historien. Et je pense que la réactivation, et pas simplement, bien entendu, pour les historiens, mais dans les opinions publiques, je suis très frappé de voir en France, en particulier, l'attachement de toutes les petites villes, voire des villages, à l'histoire de la Première Guerre mondiale. On ressort les archives des greniers, on ressort les correspondances. Oui, mais ça peut être un goût d'histoire et pas simplement un goût de revanche ou de mémoire. Attendez, il y a un sentiment de redécouverte d'un passé que l'on s'approprie, que moi je respecte bien entendu, mais je ne pensais pas que ce serait possible. Je me suis trompé tout simplement, j'ai mal évalué. Alors, la seule chose c'est que comme ces histoires, elles sont toutes nationales, pour les Polonais par exemple, 1918 c'est l'année de renaissance de la Pologne, pour les Allemands c'est pas du tout pareil. Pour les Hongrois non plus. Comme disait très justement Pierre Nora, l'histoire unit, la mémoire divise. Et on en a là une illustration parfaite. J'en suis presque à regretter toutes ces commémorations. Ah oui ? Ah ben, et du point de vue psychopolitique, si vous me permettez cette expression, je trouve le résultat désastreux. Et vous trouvez que la science n'a pas à gagner momentanément à ces discussions qui deviennent de plus en plus ardues, difficiles, y compris entre scientifiques? La science a gagné quand même sur deux points. Elle a compris que la guerre était vraiment mondiale, donc on s'intéresse beaucoup plus à l'Afrique, l'Asie et d'autres régions du monde. Ça, c'est un des grands acquis de ce centenaire. Incontestablement, ça c'est à mes yeux le principal qui indiscutable en tout cas. Bon. Et on est en train de comprendre également deux choses, c'est que la paix n'a pas été immédiate, elle n'a pas été accomplie si jamais elle a été avant 1923 à Lausanne, 1925 à Locarno, et même ça pourrait être discuté. Et on a également compris qu'à une guerre mondiale devait succéder une paix mondiale. Et là, ce sont des apports incontestables de l'historiographie. Merci beaucoup à vous, Georges-Henri Soutou, grand spécialiste des relations internationales. Je voulais, pour terminer, rendre un hommage à une personnalité que nous avions souvent croisée dans les couloirs de la Maison de la Radio ou des festivals de radio, dont on a appris le décès jeudi dernier. Donc, il s'appelait Andrew Orr. Andrew Orr, pour tous ceux qui s'intéressent à la radio de recherche et de création, eh bien, c'est une personnalité unique qui nous a confié souvent ses souvenirs, des souvenirs sur le rôle qu'avait eu France Culture dans l'invention de ce qu'on a appelé plus tard les radios libres, ce lieu ici de service public dans les studios duquel se tenaient la nuit souvent des préparations d'émissions qui étaient des émissions pirates et auxquelles participait Andrew Orr, lui qui avait été un des pionniers des nuits magnétiques sur France Culture. On a appris son décès. Voici ce qu'il racontait dans une série de grandes traversées sur France Culture. C'était en 2011, sur la bataille des industries culturelles et les radios libres, une série d'émissions par Marie-Vonne de Saint-Pulgent. C'était dans l'air du temps depuis plus d'une décennie. Les véritables concepteurs de tout ça, c'est les Anglais autour de Radio Caroline, Radio North Sea avec les Hollandais. Après, dans une dimension plus agitprop et plus politique, les Italiennes, Città Futura, etc. Tout ça existe avant 81 et on ne va pas dire que tout d'un coup une génération aurait eu la clé du sésame et aurait ouvert une brèche qui serait fondamentale dans l'histoire de la relation des créateurs et du public avec de nouveaux territoires à conquérir, qui irait jusqu'à Internet, comme je l'entends dire aujourd'hui. Tout ça me paraît des fadaises de soixantenaires qui aiment bien se mettre au centre de l'histoire. Non, toutes les choses se font progressivement. En fait, la période bénie de la radio française, c'était la décennie d'avant, c'était les années 70, que ce soit du côté des périphériques, indépendamment de leur programmation musicale, mais qui a inventé un véritable ton français de l'information, avec une certaine insolence, mais avec un vrai sens du langage. C'est les Bernard Pivot, c'est les Jean-François Kahn, c'est les Yvan Levaille et les autres, c'est aussi les tout débuts d'Anne Sinclair et de d'autres. Donc là, il se passe quelque chose dans un traitement d'intelligence du contenu de l'information dans son éditorialisation. Et de l'autre côté, ce qui se passe de plus intéressant était à France Culture, autour de l'atelier de création radiophonique, et à France Inter, autour de l'Oreille en Coin, où on brasse des nouvelles écritures radiophoniques qui ouvrent sur plein de champs spécifiques, particuliers, qui traite des vrais sujets de fond, tous les sujets fondamentaux des années 70, qu'il s'agisse des sujets de guerre ouvrière, par exemple, comme l'affaire Lip, qu'il s'agisse de la torture, comme Mundial, qu'il s'agisse des écritures un peu particulières et spécifiques et dures à appréhender, comme celle de Guillotat, qu'il s'agisse de théâtre expérimental, de la découverte de Bob Wilson ou de Philip Glass dans la musique. Tout ça se fait là. Et tout ça est dans les oreilles de ces gens qui, en 81, découvrent, entre guillemets, la radio. Ils l'ont beaucoup écouté avant. Voilà, il faut rendre hommage donc au talent, à l'intelligence et aussi à la capacité d'analyse qu'a eu toujours Andrew Orr sur les évolutions de la radio. Il était entré aux ateliers de création radiophonique aux côtés de René Farabet sur France Culture dans les années 70. Il avait ensuite, à partir de 1981, avec Jean-François Bizot et Jean-Marc Fonbonne, créé Radio Nova. Il était grand prix de la Société civile des auteurs multimédia en 2015 et il était un de ceux qui nous faisait comprendre ce qu'avait été l'évolution de notre propre média. On sait que la télévision rend souvent hommage à ses grands anciens. Il est temps aussi que de temps en temps, nous-mêmes, nous disions ce que nous devons à ceux qui ont fait la radio avant nous. Merci beaucoup, Georges-Henri Soutou, d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre livre, votre présentation de La Paix d'André Tarieux est tout juste sorti aux éditions Perrin, qu'on peut bien entendu trouver, je crois que c'est chez Talendier, La Grande Illusion, votre livre sur comment la France a perdu la paix. Et puis, il faut signaler donc que le texte de Grandeur et misère d'une victoire de Georges Clémenceau est présenté par Jean-Noël Jeannet chez Perrin, toujours dans la collection Les Mémorables, dans une nouvelle édition qui date du tout début des années 2010. Nous continuerons demain à parler de la question de la paix en 1919 en nous intéressant à la querelle des économistes. Vous avez évoqué le cas de Keynes et les débats qu'il a pu y avoir entre Keynes et d'autres économistes. C'est ce qui sera au cœur de notre émission d'archives de demain. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Céline Leclerc et Aurélie Marseille. Jacques Hubert était avec nous à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter nos émissions, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire et également nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC. Fabrique FC, à demain.